en a, bon, ils veulent quoi? Ils veulent se conscientiser. Le fait de vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion d'être en contrôle de votre vie, ça va pas vous donner du contrôle de votre vie. Donc, c'est pour ça que certains sujets dont je parle, je l'ai jamais fait comme du prosélytisme ou quelque chose que je voulais répandre. Même jusqu'à un certain point, au contraire. Je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est pas le genre de choses que tout le monde pourrait supporter comme vie. Comme je l'ai déjà dit, jusqu'à un certain point dans les événements, on est testé quand on parle de certaines choses. Donc, je vais passer, je veux dire, les 5 dernières années. Les 5 dernières années ont été très spéciales. C'est certainement pas fini. C'est ça. Donc, prenez lieu du monde. Je voudrais passer à un autre niveau de conscience. Il y a un lien entre la souffrance expérimentale puis la conscience. Les gens réalisent pas que vous allez pas souffrir moins. Vous allez pas souffrir plus psychologiquement. Mais il y a des choses dont je parle, vous allez souffrir plus pareil. Vous allez souffrir plus pareil. C'est pas une affaire de choix. C'est juste que à mesure que certaines sensibilités, on va dire ça comme ça, augmentent, vos capacités vont augmenter en même temps à supporter. Ça veut pas dire que ça va devenir confortable. Ça veut pas dire que ça va devenir le fun. Même ça va avoir du fun pareil, là. Ça n'allait pas devenir inhumain. Surtout quand je parle des fois par rapport à l'émotivité, il y a du monde tout de suite qui se braque. Parce qu'ils pensent que c'est comme si on devient comme des machines. C'est pas le cas du tout. Ça n'a rien à voir. Preuve que ils comprennent pas ce dont je parle. De toute façon, c'est pas une question de compréhension. C'est pas une question de compréhension, c'est une question de capacité de perception. Donc, vous faites ce que vous voulez, ou plutôt vous pensez que vous faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de nuances à apporter, personnellement, dans au moins les 20 dernières années. Je me suis rendu compte que je faisais rien au niveau d'une décision personnelle, que je décidais de rien, que c'est pas moi qui mène. Puis que les années d'avant où je pensais que c'était moi qui menais, ben c'était de l'illusion. Puis ça, ben, il n'y a rien de le fun là-dedans. Vous allez avoir du fun pareil dans la vie. Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable? Je trouve le monde pas mal psychologiquement, là, en moyenne. Je trouve le monde pas mal momoun, on va le dire de même. Il accroche des affaires que, bon, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il y a des processus de protection qui vont être pour engendrer de la régression jusqu'à un certain point. Donc, voyons. Bon. Même dans les dernières années, même si la qualité de vie générale a diminué, s'il y a réellement une intégration et une conscientisation, vous êtes censé avoir vu une augmentation de la qualité de vie, de votre qualité de vie, par une vue plus claire de certaines choses, un transfert de la gestion. Si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, il n'y a pas eu de passage encore à l'intégration. Il n'y a pas eu de passage encore à l'intégration, c'est évident. Donc, si ma qualité de vie, d'une certaine façon, s'est améliorée dans les dernières années, c'est jamais venu d'un libre arbitre, d'une décision personnelle. Mais d'une façon de faire avec ou de gérer les événements quand ils venaient, d'une façon presque automatisée. Donc, bon, là, je vais mettre fin aux vidéos parce que mes voisins sont des tannants qui parlent fort. Bonne journée. Puis, c'est ça pour les nouvelles. Recyclage. Bonne journée.